Bonjour et bienvenue à Viva Sandino. Je me berce présentement dans mon hamac. Je me remets d'une grande fête hier organisée pour l'homme avec qui je partage ma vie au Nicaragua. On a fait ce qu'on appelle ici une piñata electronica, donc une piñata, la tradition latino-américaine de frapper sur un objet là, fait de papier mâché rempli de bonbons. Bon, electronica pour musique électronique Nicaragua, pas de la musique électronique nicaraguayenne, c'est pas quelque chose qui existe vraiment ici. En fait, c'est une tradition que mon copain a instituée ici à Estelí, c'est d'organiser des soirées de musique électronique où les gens, comme des Nicaraguayens, comme d'autres étrangers coopérants, se réunissent pour danser sur les rythmes un peu de Chemical Brothers, de Prodigy et autres musiques. C'est certain qu'il faut mettre un peu de salsa pour que la fête commence, mais après, le rythme augmente et la piste de danse se remplit. La particularité de cet anniversaire hier, bien en fait, c'était peut-être le lieu. On a choisi de faire cette fête de musique électronique dans une école de taekwondo qui est tout près de chez nous. Donc, imaginez-vous le mur du fond qui est peinturé avec des personnes qui font des prises de taekwondo sur des rythmes assez endiablés. C'était vraiment chouette de danser là. Ça a été tout un travail quand même de convertir une école de taekwondo qui est, bref, à peu près quatre murs de ciment, un toit en tôle et un plancher aussi de ciment en un lieu un peu chaleureux. Alors, on a mis quelques chandelles, on a même mis un hamac. Et bref, on a vraiment converti le lieu et les gens ont trouvé ça bien, bien, bien sympathique. Pourquoi je vous parle de ça? Bien parce que, bon, ça a été toute une histoire aussi d'organiser ça, parce que c'est pas simple d'organiser une fête ici, parce que en fait, il y a des règlements un peu comme partout. Il faut pas que la musique soit trop forte, il faut pas que la musique aussi continue après 2 heures du matin. Il y a toute la question des voisins ici aussi qui est très, très, très, très importante. Il faut informer les voisins qu'il va y avoir une fête. Dans un bar, c'est pas si mal, c'est comme entendu qu'il y aura du bruit un peu plus tard, mais quand on choisit un lieu précis qui a rien à voir avec la musique, comme une école de taekwondo, bref, il faut que les voisins soient vraiment informés de la chose. Et quand il y a après des petits détails politiques entre voisins, mais là, ça complique les choses. Si un voisin est sandiniste et l'autre ne l'est pas, plus difficile de s'entendre, justement. Alors, on craignait que se fasse lancer des pierres par des voisins. Oui, en effet, ça s'est produit dans une fête électronique, je pense, qui était en février ou en mars dernier. Ça jouait dur, disons. La voisine n'aimait pas le bruit, disons. Tout s'est bien déroulé. Vraiment, ça a été vraiment très, très, très chouette. Il y a eu quand même pas mal de monde. On a finalement fait cette piñata. Imaginez qui était le personnage choisi. C'était l'ancien président du Nicaragua, Arnoldo Alemán, un gros bonhomme qui a volé le pays. Alors, on l'a rempli, oui, de caramel, de bonbons, mais aussi de fausses monnaies du Nicaragua. Bref, on a vargé sur cette piñata-là comme des vrais fous. C'était peut-être aussi, je vous dirais, un sujet sensible de demander à des Nicaraguayens de faire une piñata sous la forme de leur ancien président, parce qu'au Nicaragua, tout est politique. C'est ce que j'ai appris, je vous dirais, cette fin de semaine. Les gens sont très, très, très sensibles à la politique. Tout est influencé par la politique. Si quelqu'un se cherche un emploi, par exemple, bien un chauffeur sandiniste va peut-être trouver plus d'emplois sous un gouvernement sandiniste. Peut-être un enseignant libéral, eh bien, avait trouvé de l'emploi quand le gouvernement était justement libéral. C'est ce que nous a raconté notre voisin lors d'une entrevue cette semaine. Il nous a raconté aussi les atrocités qu'il a vécues durant la guerre. Tout est influence, tout est rumeur, tout est contact aussi. Bon, vous me direz que c'est peut-être comme ça un peu partout, Mais si on n'est pas sandiniste présentement, on n'est pas nécessairement très, très choyé. On n'est pas nécessairement bienvenu non plus des gouvernements. C'est drôle parce qu'on pensait qu'il y aurait plus de monde à cette fête-là. Et puis, au courant de la soirée, j'ai appris qu'il y avait des disons qu'on avait sali un peu ce propriétaire-là d'école de taekwondo. On disait que c'était un homme qui, disons, qu abusait des jeunes garçons dans son école. Je vous dirais, moi j'ai perçu ça comme des langues sales, peut-être que c'était fondé, mais bref, il y a peut-être des gens qui ont choisi de ne pas s'associer à cet événement-là, surtout les Nicaraguayens, à cause de ça. Mais tout ça, encore une fois, reste rumeur. Qui dit vrai dans tout ça? Comme je vous dis, je ne pense pas que le propriétaire de l'école de taekwondo soit sandiniste, mais son voisin l'est très, très, très, très fort. Il nous voyait vraiment d'un mauvais œil. Bref, ça a été une très, très belle soirée. J'aimerais vous laisser sur un mix aussi que j'ai fait en l'honneur de mon copain, mais aussi en l'honneur de cette politique qui règne au Nicaragua. Donc, c'est sous une musique de New Order. Vous allez entendre le grand personnage de l'heure, Daniel Ortega. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et sachez que je reviens au Canada sous peu. Il me reste 3 semaines au Nicaragua. On fait nos valises et on arrive en janvier. Alors à bientôt pour mes amis et collègues du Canada. Et écoutez cette bonne musique-là. Au revoir. Listen to the fat bass. Es una fecha gloriosa. De compartir el pan. ¡Querido Hugo Chávez! Poco más o ya nos despedimos. ¿Qué piensan ustedes? conmemorando esta fecha nacional, porque es una fecha nacional. Centroamericanos no, antepasados, eran de diferentes ideologías, no les quedó más que unirse, porque se dan cuenta que si no se unían, terminaban todos estos países como colonias de los yanquis y con el esclavismo, como quiso imponerle la esclavitud aquí en Nicaragua, William Walker. ¡Arriba los pobres del mundo! ¡Viva la revolución! El pueblo unido jamás se...